côte salée de la Méditerranée. Éviter les serpents et les coups de machette. Et mille fois mourir, mille fois renaître. J'ai voyagé longtemps dans le fond de camion. Sur des pistes brûlantes à perdre la raison. Des vapeurs d'octane me chaviraient le quin. Je suis mort mille fois dans le bruit des moteurs. Un voyage en enfer. Yeah.